إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ فصل التأويل. التأويل، ما هو التأويل؟ Ça se traduit en traduit comme interprétation. Et c'est deux choses, ça peut être soit le tafsir, soit mahal il al haqiqa. En même chose, sa réalité. Non. Wa shay thalith. Shay thalith. Justement, trouver le sens, c'est pas le sens apparent. L'interprétation. Sarf. Al-lafz al-ma'na ar-rajih. Le ma'na marjouh bidalil yaqtadih. Que tu sors l'apparent du terme pour l'amener vers un sens qui lui n'est pas prépondérant à la base, et cela te base sur un dalil. Et ça peut être ce ta'wil, c'est sur lequel beaucoup ont dévié. Il peut être mahmoud, il peut être mazmoum. Ou il y a la dalil, fawa mahmoud, matloub, bel wajib. Ou l'akhar, on l'appelle tahrif. Ou c'est tahrif. طيب قال رحمه الله تعالى فصل يعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه فالأول كقول الله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم. Donc Allah سبحانه وتعالى nous a informé qu'il a décrit le Coran comme étant محكم, c'est-à-dire qu'il est précis et qu'il est effectif et qu'il est exact et également qu'il est mutashabih, qu'il a des choses à équivoquer, qui se ressemblent. Par rapport à son call qu'il est murkam, dans le sens où il dit que c'est les versets d'un livre sage, Yunus, verset 1. وَالثَّانِي كِلِ مُتَشَابِحِ قُلُ اللَّهُ عَزَى وَجَلْ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِحًا. Que Allah a fait descendre le meilleur, la meilleure des paroles, un livre au verset équivoque, qui se ressemble. Az-Zumar, verset 23. وَالثَّالِثِ, c'est-à-dire le j'aime entre les deux, وهو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وخرى متشابهات. Celui qui fait descendre sur toi un livre comprenant des versets exacts, effectifs, qui sont la mère du livre, et d'autres qui se ressemblent, qui portent à l'équivoque. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى. Donc le ihkam que Allah subhanahu wa ta'ala par lequel il a écrit tout son livre, c'est quoi? C'est l'itqan, la minutie, on va dire. Je ne sais pas si ça existe ce mot. La précision. Dans les termes et dans les sens. Que les termes choisis sont exacts. Les sens kazalik. Donc ces termes choisis sont de la plus grande éloquence et de la plus grande clarté. Et ces sens kazalik. C'est un kalam qui vaut là pour les termes choisis et les sens. D'accord, chose qui amène à contenir également la perfection dans la véracité, dans les akhbar, ou à kamel et rujd, dans la droiture, ou à l'adl, dans la justice, fil ahkam, dans les règles. Comme a dit Allah Ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, que sont parachevées les paroles de ton Seigneur en toute vérité et en toute équité. ثم قال وتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والإتلاف. Donc maintenant le tashabuh, la ressemblance par laquelle le Coran lui-même a été entièrement décrit, c'est justement également dans cette dans le kamal, dans l'itqan, l'itilaf, c'est-à-dire la concordance, l'harmonie entre les versets qui ne se contredisent pas les uns les autres, dans les règles ni ne démentent les uns les autres, dans les akhbar. Comme Allah Azza wa Jal, « Afarait adabbaroun al-Qur'an, law kana min indi ghaylillah, وجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ne médite-t-il pas le Coran s'il provenait d'autre que Allah, il y aurait trouvé cette maintes divergences. Surat An-Nisa, verset 82. ثم والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد وهذا كثير في الأخبار والأحكام. Donc l'ihkam, مثلا maintenant que Allah a décrit comme étant faisant comme étant une partie du Coran, c'est la clarté dans le fait que le sens des versets, il est clair, précis, et qui n'apporte, il n'amène personne dans la confusion. Et ça, c'est trouvé dans beaucoup des akhbar et des ahkam, dans les règles. Là, il parle d'une. La partie où il dit que, là, il parle d'une, de l'ihkam qui est décrit dans le Coran partiellement. Pas tout le Coran. Pas tout le Coran. Là, il a dit une partie que tout le Coran, il a l'ihkam. On a expliqué c'est quoi. Après, un tashabuh qui est dans le Coran, dans tout le Coran. Après, il a expliqué c'est quoi. Maintenant, il parle de quoi? L'irkem qui est dans une partie du Coran. Ensuite, dit l'imthalou fil akhbar, qu'Allah ta'ala, shahru ramadan, allazi unzila fil Coran. Le mois de ramadan, dans les akhbar, il dit le mois de ramadan, celui dans lequel le Coran est descendu. Donc, tout le monde sait qu'est-ce que ramadan. Et tout le monde sait qu'est-ce que le Coran. Donc, ça, c'est wadih. D'accord, c'est واضح. ومثاله في الأحكام قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. Et dans, مثلا, ce إحكام dans بعض القرآن, dans les أحكام, sa parole dans le sens où il dit, et la bienfaisance envers les parents. Surat An-Nisa, verset 36. Donc là, chacun sait qui sont les parents, et chacun sait qu'est-ce que l'إحسان. Donc ça, c'est واضح. Tamam. وَمَّا الْتَشَابُحَ الَّذِي وَصَفَ بِهِ بَعْدَ الْقُرْآنِ. Maintenant, on va dire le côté confus ou équivoque par lequel le Coran était décrit de façon partielle. Ce sont certains ma'ani, certains versets qui portent les gens, certaines personnes à confusion. Certains, pas tous. D'accord ? لَكِنْ أَرَاسِخُتُ فِي الْعِلْمِ هُمْ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَ. C'est vrai qu'il y a des versets, des fois des gens, ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire par là. C'est quoi le maqsoud? Ça, c'est pas partout. C'est pas partout. C'est dans certains versets. Dans certains versets. Donc là, on a quatre choses. Description du Coran, qu'il est complètement mouhkam. Description du Coran, qu'il est complètement mutashabih. C'est-à-dire que ces versets se ressemblent. Après, on a description du Coran, qu'il est partiellement mouhkam. Et note qu'il est partiellement mutashabih. C'est ça qu'on vient de prendre maintenant. ثم قال موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها. Donc maintenant il dit c'est quoi notre position par rapport à la diversité dans ces descriptions et comment joindre entre eux, entre ce qui est complet et ce qui est partiel, même entre ce qui est murkam et ce qui est mutashabih. قال موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان والجمع بينها أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه أو بعضه بعضا في الكمال والصدق فلا يتناقض في أحكامه ولا تكاذب في أخباره. C'est quoi notre position? C'est que le fait d'avoir décrit le Coran comme étant complètement mouhkam et de l'avoir décrit comme étant complètement mutashabih, il n'y a aucune contradiction. C'est-à-dire que le kalam qui est mouhkam, c'est le kalam qui est précis. D'accord? On me l'a dit, ça c'est ce qu'il a dit auparavant. C'est-à-dire que ces versets se ressemblent les uns les autres dans la perfection et dans la véracité. Tous. Il n'y a pas de verset dans lequel il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de verset dans lequel il n'y a pas de véracité. Donc là-dessus, ils se ressemblent. D'accord ? Ils se ressemblent. et qu'il n'y a pas de contradiction dans ses règles. Et qu'aucun des versets ne dément l'autre dans ses ahbar. Donc là, c'est comme ça qu'on lit entre eux l'irkem total et le tashabur total dans tout le Coran. أما وصفه القرآن بأنه بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينها أصلا لأن كل وصف وارد في محل لم يرد عليه الآخر فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين. Donc maintenant le fait de dire que certains des versets, certains du Coran, une partie du Coran, il est محكم, une partie il est متشابه, كذلك il n'y a pas de tradition. C'est-à-dire qu'il y a des choses présente dans les versets Mourkem que tu ne trouveras pas dans les versets Mutashabih. Certains versets du Coran, le sens il est apparent, direct, clair, pour tout le monde. Et d'autres, c'est caché. Ce n'est pas tout le monde qui peut le savoir. Comme on l'a dit, qui c'est qui le connaît? Allah en premier lieu et Rasifun Filayn. Donc il dit que les gens, là-dessus, se divisent en deux catégories. Rasifun Filayn, Yaqulun Amanna Bihi Kulun Min Indi Rabbina. كل من عند ربنا واذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا او تناقضا ويردون متشابه الى المحكم فصار مال المتشابه للاحكام. Que disent quoi les gens qui sont dans la science? Ils disent nous y croyons car tout provient de notre Seigneur, comme dans le verset. Donc si cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui contient de l'ishtibah n'apporte pas d'égarement ni de contradiction. Et comment ils agissent quand on a un verset qui, en apparent, s'oppose à un autre? L'autre, c'est un murkam. L'autre, c'est un mutashabih. Qu'est-ce qu'on fait? On ramène le mutashabih le murkam. Comme dans les versets où Allah il dit « Wa ma'akum innama kuntum » Et les versets, voilà, c'est Yakul, Al-Rahman, Al-Rash, Istawa. Les versets, Allah dit qu'il est au-dessus du trône, dans les versets, il dit, il est avec vous où que vous soyez. Donc, comment on fait? On ramène cela, le Mutashabih et le Murkam. Et d'autres versets viennent t'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par là. Qu'il voit Ma'akum et Ma'kuntum, d'autres versets sont venus pour dire que c'est avec son ilm. Et non pas Bizaatihi. Il y a forcément une explication. Donc, ça, ce sont les premiers. Alors, c'est Rodafil Ilm. Il croit en tout, d'accord? Et le verset Mutashabih, il le ramène au Murkam. Amma ahl al-dhalal wa zay' fattabi'u al-mutashabih wa ja'alu mitharan lil-shakk wa tashkik fadhallu wa dhallu wa tawahamu bi hadha al-mutashabih ma la yaliku billahi 'azza wa jalla wa la bi kitabihi wa la bi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par contre, les gens de l'égarement, de la déviance, ils ont suivi le Mutashabih. Les versets à équivoque. Ils en ont fait quoi? Des points de doute et pour faire douter les autres également. Et ils ont eu des waham, des fausses croyances qui ne reviennent pas à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs au Réalisalika. Ils ont pris des versets mutashabiha, ils en ont fait leur ta'wil d'une façon qui est fausse, qui ne revient ni à Allah, ni à son livre, ni à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il donne des exemples. Misal awwal, le premier exemple de choses qu'ils ont interprétées qui ne revient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, quand on parle des Ahl al-Dalal wa Zayr, c'est pas forcément... ça peut être aussi parmi les koufars. D'accord? Ça peut être également parmi les koufars, on précise. Comme cela va apparaître maintenant. Exemple, des gens qui se sont fait... qui se sont égarés dans les mutashabihat. Fikullah Azza wa Jal, inna nahnu nuhil mawta. C'est nous qui faisons revivre le mort. Surat Yassin, verset 12. Et sa parole, Azza wa Jal, inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est-à-dire, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et nous en sommes protecteurs. Sourate al-Hijr, verset 9. Donc là, et d'autres versets. Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa personne au pluriel. Il dit « Nahnu ». Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Nasara? Ils ont suivi ce tashabbuh et ils ont prétendu qu'il y a plusieurs divinités, comme tu connais la Trinité. Que Allah est le troisième des trois. Tout en délaissant les versets Murkam où Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il est unique. Hein, un Allah wahid. T'as vu l'exemple? Taïb. C'est quoi le Murkam à la base? C'est le tawhid. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont partis prendre les versets où Allah subhanahu wa ta'ala a dit nahnu. Amma rasikhuna fil ilm, ceux qui sont dans la science, fayahmiluna al jam ala ta'zim li ta'addud sifatillahi wa 'azamiha wa yurudduna hadha al tashabuh ila al muhkam fi kulli allahi ta'ala wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illah. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens, encore dans la science, ils ont pris le sens de ces versets où Allah parle au pluriel pour le ta'zim, son immensité, et également pour la multiplicité de ses sifats et leur grandeur. Et ils ont ramené le mutashabih au murkam. Le murkam, comme dans la part dans le sens où il dit, et votre divinité n'est qu'une seule divinité. Pas de divinité d'être adoré en dehors de lui. Surat al-Baqarah, verset 133. Ça, c'est un murkam. Ils ont ramené cela à celui-là. Donc, ils disent au Nasara que votre prétention, vous avez dit que Allah se divise en trois, la Trinité, cela vous a été induit en erreur par Tashabur. Et que ce Tashabur, Allah vous a kafar pour celui-là. Cette croyance que vous avez, Allah vous a rendu mécréant pour cela. Amt, comme a dit Azza wa Jal, la quand des kafaran lazina kawalu inna Allah salifu salafah, wa ma min ilahin illa ilahun wahidun. Que Allah il a dit dans le sens, certes, on mécru ceux qui ont dit que Allah est le troisième des trois, et qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est une seule divinité. Surat al-Ma'ida, verset 73. Donc, cela amène à quoi? Que votre ta'wil, il est ba'atil. Il est faux. Ça, c'est un exemple d'une chose qui ne revient pas à Allah. Thumma, il donne un exemple d'une chose qui ne revient pas au Coran. « Kakulillahi azza wa jal nabiyihi, innaka la tahdi man ahbabta. » Ça, on l'a pris dans « Kitab Tawhid » par rapport au Coran. Que Allah, dans le Coran, dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, « Certes, tu ne guides pas qui tu aimes. »« Wa fi ayat ukhra, yakulu azza wa jal, wa innaka la tahdi li sirat mustaqim. » Et ça, tu guides à un chemin droit. Donc, l'apparent des deux versets, c'est qu'il y a Tanakud. Ça, taïeb. Donc, les gens qui ont un zéir dans le kolb et zalel, ils ont dit que le Coran, il se contredit. Amma arasikhutu fil ilm, hum yakouloun, il n'y a pas de Tanakud dans les deux versets. Car le premier qui est voulu par là, c'est Hidayat et Tawfiq. La guidée de Tawfiq. Et celle-ci ne revient qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, à personne d'autre. Alors, quand on a l'autre verset, c'est celle de Al-Irshad, ou Al-Ilham. Et celle-ci revient à Allah, et autre que Allah parmi les anbiya, parmi les ulama, parmi les du'at, les prédicateurs, ou même une autre personne, qui peut être la cause de la guidée de quelqu'un d'autre. Ou Al-Waqi'a Shahid al-Azalika. On l'a constaté. Que des gens ont été la cause de guider de certaines personnes. Dans le hadith de Ali, وَإِنَّ اللَّهِ يَهْدِي عَلَى يَهْدِيكَ رَجُلٌ وَاحِدًا خَيْلٌ لَكَ مِنْ نَعِيمِ الْحُمُرِ الْحُمُرِ. Il a dit à Ali que Allah guide une seule personne par ta cause, c'est la meilleure pour toi que les chamelles rouges. Donc ce hadith démontre que Allah peut guider Hidayat al-Tawfiq, lakin bisababik Hidayat al Irshad. Donc, est-ce qu'il y a Tanakud ? Il n'y a pas de Tanakud. Et troisième exemple, une chose qui ne revient pas à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Fikullahi azza wa jal, le nabiyyi, sallallahu alayhi wa sallam. Fa'in kunta fi shakin mimma anzalna ilayka, fas'alil lazina yakra'una al-kitaba min qablika. وَلَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Allah, dans le sens, il dit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais si jamais tu es dans le doute de ce que nous avons fait descendre sur toi, alors demande à ceux qui ont lu le livre avant toi. Al-Ayat. Donc, qu'est-ce que le verset laisse apparaître? Que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, peut douter. Échec. Qu'il peut douter de ce qui lui a été révélé. Et ça, ce sont les choses que les gens du Zéa ont prétendu que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, est tombé dans le shak, dans le doute. Donc par cela, il le diffame. Les rasikhouna fil ilm, qu'est-ce qu'ils disent? Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais douté. D'accord? Abadan. De ce qui lui a été révélé. Et comment cela, alors que l'Allah ta'ala témoigne de son iman et de sa certitude, biqoulillahi azza wa jal, amana rasoul bimanzula ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billah. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Qu'il a dit azza wa jal à propos de son messager et des croyants, que le croyant a cru en ce qui lui a été révélé de son Seigneur ainsi que les croyants. Tous ils disent nous croyons en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses messagers. Et nous nous divisons entre aucun d'entre eux parmi ces messagers. Sourate al-Baqara, verset 273. وَقُلُوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Qu'il est dit, عَزَّ وَجَلَّ, dans le ma'na, croyez en Allah et en son messager, le prophète, l'illettré, celui qui croit en Allah et en sa parole. Et suivez-les afin que vous soyez guidés. Afia dit l'ayah, Allah dit bien, quand même, que son messager a cru. Wa shak yunafi al-yaqin. Fa shak laysa min al-iman. Bel hada yukhalif shurut. La ilaha illallah. Dans la ilaha illallah, parmi les shurut, on a al-yaqin. Et chaque une a fait ça. Donc ce n'est pas possible. Donc là, maintenant, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, wa in kunta fi shak, là, c'est dans un siyak de short, de condition. C'est une hypothèse, seulement, ce n'est pas une réalité. D'accord? Wa in kunta fi shak. Et si jamais tu doutes, chose qui n'est pas le cas, il n'a pas dit, ou un tatachouk avec l'isbet. Ou un kuntafishek. Kafi koli la azawajel, un exemple qui ressemble à celui-ci. Koul in kana li rahman waladun fa ana awwal al abidin. Il dit que si jamais le rahman avait un enfant, je suis le premier des adorateurs. Fa koul in kana li rahman walad. Est-ce que le rahman il a un walad? Aïe. Kama koli azawajel. وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Il ne revient pas au Rahman de prendre, de s'attribuer un enfant. Et même il a kafar les gens qui ont dit que Allah spontané a un enfant. Donc ça c'est impossible. Ça a juste été cité dans Siyak et Shart. À condition pourquoi? En guise d'hypothèse pour vous répondre. Quand bien même tu ouvrais cette porte-là, on la fermerait avec notre réponse simple. ثم قال فإن قلت ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابها. Quelle est la sagesse que le Coran est des versets équivoques? فالجواب أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم واختبارهم يتبين الصادق في إيمانه من الشك والجاهل الزائر. C'est quoi la sagesse pour pouvoir tester les serviteurs, afin de pouvoir démontrer qui est le véridique dans sa foi, et qui est celui qui doute, l'ignorant, déviant. Donc celui qui est véridique, est sadiq fi imanihi, rasikh fi ilmihi, est celui qui croit en Allah et en ses paroles. Et il sait que la parole d'Allah ne se contredit jamais. Il n'y a pas de tanaqud. Et que si jamais tu vois un mutashabih, qu'un apparent s'oppose à un murkam, tu le ramènes au murkam et tu cherches le ta'wil. Et ce ta'wil-là, ce n'est pas tout le monde qui le connaît. Et rasikh fil ilm, ya'lam hadha ta'wil, thumma yubayyin linnas. D'où l'importance et la présence des ulama, que c'est indispensable. Ils viennent t'éclaircir sur des choses qui t'amèneraient à douter et à ne pas comprendre. Mais toi, tu dois avoir le cœur ouvert. Le cœur ouvert et la poitrine large pour accepter ce qu'il te dit, avec le dalil. Pas tout le temps à dire, mais pourquoi. Tu acceptes ce qu'il te dit, et le dalil, la chose elle est claire, tu l'acceptes. Et même les gens qui cherchent tout le temps le nikash, pourquoi, ça, c'est une porte aux zahir. Et même si des fois tu n'as pas compris maintenant, il se peut que ce soit pour une raison que Allah ne veuille pas que tu comprennes sur le moment. Peut-être parce que tu n'as pas à faire assez d'efforts. Ou alors dans ton cœur, il y a quelque chose que Allah il sait. Il était important de chez l'Islam Taymiyyah, quand il ne connaissait pas une mas'ala, il faisait l'istighfar 1000 fois. Il faisait un dua pour qu'Allah lui fasse comprendre. C'est-à-dire, tout le monde, des fois, est amené à avoir des mas'ala, il ne les comprend pas sur le moment. Il ne faut pas se précipiter. Il dit, je ne comprends pas, donc c'est qu'il y a un problème. C'est que le problème, il est en toi, et non pas dans la mas'ala en elle-même. Donc les gens, tu vois, qui cherchent le tasha'abouh, eux sont les gens de l'égarement. كما قال عز وجل عنهم في كتابه. Donc là, ce qu'on a appris aujourd'hui, que le Coran, il y a du murkam précis et clair, et du mutashabih équivoque qui se ressemble. Ça peut être complètement dans le Coran et partiellement. On a expliqué comment on lit entre le tout. D'accord ? Et que lorsqu'on a un tashabih, كيف نتعامل معه ? نرجع للمحكم. C'est le murkam qui lui, qui est celui, le verset qui juge. Et le tasha'abouh, lui, sera interprété par le murkam, expliqué par d'autres versets. Hadahu. Fahimta hada? Taïb. Faïlaouna. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.